Allons-y. Rasseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Non, non, ce n'est pas la peine. Insistez un peu. Mais voyons, ne restez pas là debout comme ça. Vous allez attraper froid, vous croyez? Mais c'est absolument certain, vous avez sans il doute me précédait. Je suivais ses gestes des yeux, mais ce que je voyais, ce n'était pas le chef de l'entreprise commerciale. Il voit tout en noir aujourd'hui. Sauf le firmament. Patience. Tout ce qui peut proprement être pensé, ça va venir, peut être exprimé. Je tout vois ce qui se laisse exprimer, ce que c'est, se laisse exprimer clairement. Partons, mais ne restez pas debout comme ça. Vous allez attraper la crève, partons. Pour 10 dollars. C'est vrai, comment vous appelez-vous? Il était certain, m'a-t-il dit. Ah oui. Eh bien. Mais soyez donc un peu plus attentif. Il ne me dit pratiquement de rien. Sinon, nous n'arriverons pas. En implorant pardon 20 fois. Regarde. 20 fois par jour. Veux-tu regarder le ciel, porc? La moitié du toit de sa maison s'était effondrée. Bon, ça suffit.